Bonjour, mes fidèles abonnés. Et je suis ravi de savoir que vous êtes nombreux à me suivre à cet net moment. Oui, je demande à ceux qui ne se sont pas encore abonnés sur mes réseaux sociaux, s'il vous plaît, abonnez-vous sur mes deux pages Facebook, Rumba Musique et Dionzo Musique, sur mon groupe Facebook. Pour ma musique TV, ainsi que sur ma chaîne YouTube, Rumba Musique. Et je remercie vous, mes fidèles abonnés, de confiance que vous me faites, vous faites à moi, monsieur Rumba Musique. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Siongo Bavo Marie-Marie. Nous allons lui rendre hommage à Bavo Marie-Marie. Qui était-il et qu'est-ce qu'il a fait dans la musique congolaise, notre musique qui est la rumba congolaise. C'est ce bientôt là. Alors, Siongo Bavo Marie-Marie, qui était-il? Né à Kinshasa le 27 avril 1944, Siongo Bavo Marie-Marie est le petit frère des guitaristes et chanteurs Luambo Makiadi. Il a fait ses études primaires à l'école catholique Saint-Louis à Kasavubu et les a terminées en Bazaboma au Congo central. Après, il s'est inscrit à l'Académie des beaux-arts, puis à l'Institut secondaire moderne où il s'initie à la sténodactylographie. Mais pour sa passion à la musique, Bavo Marie-Marie s'est fabriqué une guitare et anime en cachette dans les quartiers les rythmes Nzambele Kingo. En 1961, Bavo Marie-Marie obtient un équipement de musique et crée avec ses camarades un ensemble dénommé des Cousins Bleus. Suite à la pression familiale, ils vont fuir la capitale de Kinshasa pour s'établir à Boma, car sa maman ne voulait pas qu'il suive les traces de son grand frère, Luambo Makiadi Franco. Alors, en 1962, avec ses camarades comme Pompoloaï, Ambazozo, Bumbamasa, etc., Bavo Marie-Marie va évoluer au sein de l'orchestre Cubana Jazz, qui se produisait chez Chibango Bar. Alors, recevant l'autorisation de son grand frère Franco en 1963, il évolue au sein de l'orchestre Jamal, où il développe son doigté de façon extraordinaire et maîtrise totalement son instrument. Donc, quand Bavo Marie-Marie avec ses amis ont fui Kinshasa pour faire leur musique à Boma, après le temps, Luambo Mestan, son grand frère, l'a autorisé à faire la musique. C'est pour cela qu'il est retourné avec ses amis à Kinshasa. Et ils ont joué dans l'orchestre Cubana Jazz. Alors, c'est là où il a vraiment appris à jouer à la guitare. Il a perfectionné sa façon de jouer à la guitare. Alors, en 1964, on le voit dans Kobantu de Dewayon, à côté du guitariste Nedoule Papa Noël, en 1963. Et le 15 décembre de la même année, donc en 64, plutôt 64, Bavo Marie va intégrer l'orchestre Negro Sixe de Bombolo Bolem, avec qui il va partager la guitare solo. Et c'est en 1965 que le succès de Bavo Marie-Marie va grandir et il sera adulé par le public. Donc il sera accepté par le public en 1965 dans les groupes Negro Sixe. Charmant garçon, aimé des jeunes gens, Bavo utilise depuis 1966 des produits éclaircissants, rendant sa peau blanche et les femmes succombe à son charme. Il inonde les marchés du disque avec des chansons comme Lissi Tozongana, Nabosani Chaussette, Milzaï pour Lissi et Elongi TV, Marie Marie et Nalingina Komamoto. Et en 1967, Bolem compose la chanson Bana 15 ans et propulse l'orchestre Négro Succès au premier rang du Hit Parade. Alors nous allons passer du côté de la régie pour suivre l'une des concerts de Négro Succès. Et si la régie est d'accord avec moi, on peut suivre le concert. Thank you. Thank you. Oui, mes chers abonnés, là nous venons de suivre l'une des rares vidéos du Conseil des nouveaux succès. Malheureusement, Mavon Marie n'était plus en vie pendant ces concerts-là, puisque si je me souviens bien, ces concerts étaient passés vers les débuts des années 80, si je me souviens bien. Alors, nous avons vu aussi Bolem, le vieux Bolem en la guitare solo. Excusez-moi pour la qualité de cette vidéo, puisque ça date de longtemps. Makambo, mon horaire à la rumba musique, la jonze musique. Alors, pour continuer, en 1968 et 69, Bavon Marie lance sur les marchés d'autres chansons à succès, telles que Bolingo Yanganaye, Bongi Sandako, Outawapi, Bea, Na Regrette Nzoto, Maele Abasi, Maele Abasi, Basi Abijou, Mado Mukoi, Na Dendela Mibali, Maseki Ameme, et bien d'autres encore. En 1970, comme on dit chez nous, 50, Bavon est au paroxysme du succès, mais il va mourir tragiquement le 5 août dans un accident de circulation vers Kosbaki au niveau du pont Makelele en percutant sa voiture Renault contre un grand camion, un Fiat en stationnement. Donc Bavon Marie nous a quitté le 5 août 1970. Suite dans un accident de voiture. S'il vous plaît, aimez et partagez la vidéo, s'il vous plaît, mes chers abonnés. Alors, après sa disparition, son grand frère, l'homme Makiadi, lui dédie la chanson Kinsiona, un chant funéraire, suivi en 1984 de Kimpa Kisangameni, un titre dénonçant la sorcellerie suite aux rumeurs sur la mort de son frère cadet, Bavon Marie-Marie. Alors, bien que mort, Bavon Marie-Marie est resté présent dans la mémoire des mélomanes et sa brillante carrière de 7 ans, de 1963 à 1970, lui a rendu immortel et ses œuvres sorti après sa mort, ont récolté un franc succès. Donc là, c'était un hommage que moi et ma chaîne YouTube et mes réseaux sociaux, nous avons rendu à Bavon Marie-Marie, le petit frère de Luambo Makiadi. Si vous pouvez, mes chers abonnés, aimer partager la vidéo, s'il vous plaît. Alors, je remercie vous, mes fidèles abonnés, de m'avoir regardé du début jusqu'à la fin. Et je remercie aussi Clément Osinonde et Herman Bangi Bayo, puisque c'est eux qui m'ont donné aussi des idées pour faire l'émission d'aujourd'hui. Donc, je suis vraiment reconnaissant envers eux. Clément Osinonde, mon vieux, Nakatia Lyon, et Herman Bangi Bayo, Nakatia Kim, un journaliste. Donc, je suis reconnaissant avec vous. Et je salue mes fidèles abonnés. Si je vois là Ariane Pinja, Nakata Kini, et son petit frère, le cadet Gastine Pinja. Et sans oublier vous, mes fidèles abonnés, comme Aristote Kavungo, Nakatia Toronto, au Canada, Arcel Tumba, Nakatia Kini, Mama Aminata Omanga, Nakatia Frilicid. Moi, je cité bien sûr comme vous êtes pour vous aller belé. Et j'ai salué Myriel Kombeto, en France, ici en France. Myriel Kombeto, je la salue. Et Leslie D. Alors, je vous remercie, vous, mes fidèles abonnés. Si vous avez des suggestions, des conseils à me donner, mon numéro de téléphone est là. Vous pouvez m'appeler après l'émission. Comme ça, vous pouvez me dire ce que je peux faire pour l'évolution de mes émissions, pour l'évolution de mes réseaux sociaux. Notre but est de parler de nos musiciens congolais, de ceux qui ont fait la rumba congolaise, puisque beaucoup de gens ne parlent plus d'eux. Même des chroniqueurs, des journalistes ne parlent plus d'eux. C'est pour cela que mon but est de parler toujours d'eux, pour les ressusciter en quelque sorte. Donc, je continue encore à remercier mon vieux Clément Sinonde pour les conseils, pour les idées qu'il me donne, et je suis reconnaissant pour mon papa. Alors, celui qui veut que je fasse sa promotion, je fasse sa publicité, il peut me contacter après l'émission. Mon numéro de téléphone est là. Il peut aussi m'appeler et on fera un programme. Et j'ai aussi besoin de vos soutiens matériels, financiers et vos conseils. Mon numéro, mon compte PayPal est là. Vous pouvez aussi me soutenir, ça me fera énormément plaisir. Alors, je vous dis, je suis en train de préparer pour faire un hommage à l'homme Makiadi, puisqu'il nous a quitté depuis, ça fait longtemps, depuis 1989 que le grand maître l'homme Makiadi nous a quitté. Donc, j'ai fait des préparations, comment lui rendre un hommage digne. Alors, je vous dis bye bye et on se retrouve à la prochaine émission.